Okay, today I would like to talk about Priya Vasa and the five hindrances that you may encounter when you are doing meditation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Arya Vasa et des cinq empêchements que vous êtes susceptible d'expérimenter au cours de votre méditation. Les yogis qui se sont rassemblés ici pour pratiquer la méditation Satipatthana Vipassana dans le but de réaliser la paix de l'esprit doivent savoir comment surmonter les empêchements qu'ils vont rencontrer au cours de leur pratique. S'ils réussissent à surmonter ces empêchements, ils pourront atteindre cette paix de l'esprit. Ils doivent également comprendre les bénéfices qu'ils peuvent espérer obtenir lorsqu'ils auront réussi à se débarrasser de ces obstacles. Je vais expliquer tout cela en me basant sur certains extraits de l'Arya Vasa Sutta. Le mot Arya veut dire pur, c'est une personne noble. Cette personne est pure et noble, pas uniquement de nom. Elle l'est parce qu'elle a réussi à éradiquer toutes les impuretés mentales, les kilesas. Ceci me rappelle une histoire du Pitaka. Du temps du Bouddha, il y avait un pêcheur du nom de Arya. Un jour, le Bouddha put constater, grâce à sa sagesse, que ce pêcheur allait bientôt atteindre la maturité. Il se rendit donc tout près de l'endroit où il pêchait. Arya savait que son travail de pêcheur n'était pas quelque chose de très méritoire. Et donc, lorsqu'il vit le Bouddha s'approcher, il cacha sa canne à pêche. Le Bouddha demanda alors au moine qui le suivait comment il s'appelait. Il commença par le vénérable Sariputta et le vénérable Moggallana. Les anciens donnèrent chacun leur nom. Arya pensa que le Bouddha allait sans doute lui demander son nom également. Le Bouddha, en effet, demanda au pêcheur comment il s'appelait. Le pêcheur répondit au Bouddha qu'il s'appelait Arya. Le Bouddha dit alors, « Arya veut dire « personne noble », une personne qui ne fera jamais de mal à aucun être, qui ne tuera aucun être. Il va s'abstenir de ses actions déméritoires. Il ne fera que des choses positives, des choses pures et nobles, comme par exemple irradier metta, l'amour bienveillant envers tous les êtres. Le Bouddha lui enseigna alors progressivement comment développer la moralité de base et comment devenir une personne noble et cultivée. Le pêcheur abandonna son métier et devint alors un véritable Arya, un véritable être noble. Arya Vasa est un mot qui comprend deux parties, Arya et Avasa. Arya veut dire une personne noble. Avasa veut dire un endroit, un lieu où se tenir. Donc Arya Vasa veut dire garder son corps et son esprit dans un endroit noble et purifié ou dans un état noble et purifié. Il ne faudrait pas que ni le corps ni l'esprit se retrouvent dans un endroit sale et malpropre. Essayez de garder votre esprit toujours pur et clair. Ceci dit, comment allons-nous faire pour garder notre esprit pur et clair? Dans le Arya Vasa Sutta, le Bouddha dit « Ô moine, dans cet enseignement, ceux qui pratiquent la méditation vipassana doivent disposer de sati, l'attention, comme gardienne. Je vais vous expliquer maintenant comment vous devez vous y prendre pour être attentif et où placer l'attention, si vous voulez que ce soit pour vous, une gardienne. Vous voyez avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, vous sentez avec votre nez, vous goûtez avec votre langue, vous ressentez des contacts avec votre corps et vous expérimentez avec votre esprit. Vous devez garder ces 6 portes sensorielles par l'attention. Autrement dit, vous devez garder l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Vous devez disposer de la garde de l'attention à chaque instant. Un moment d'attention, un moment de garde, devrait être immédiatement suivi du moment d'attention suivant. Sans rater aucun objet, vous devez toujours être attentif à toutes les activités, à chaque instant. Vous devez être attentif aux différentes sensations. Vous devez être attentif aux différentes postures, comme la posture assise, debout. Vous devez être attentif lorsque vous vous penchez. Vous devez être attentif dans toutes les activités quotidiennes. Une maison ou un endroit protégé par un gardien va offrir de la sécurité. De la même façon, si l'attention vous protège, si vous vous disposez de la garde de l'attention, vous allez vous sentir en sécurité. C'est très important. Voyez par vous-même combien de fois par jour ou en une heure êtes-vous vraiment attentif. Si vous constatez que vous n'êtes jamais attentif, essayez de le devenir. Si votre attention est faible, est pauvre, essayez de la développer. Le vénérable Mahasi Sayadaw a composé une maxime dans son sermon sur l'Aryabhasa. Toute apparition, soyez extra vigilant, soyez toujours sur vos gardes. Lorsque Sayadaw parle des apparitions, il s'agit de visions, de sons, etc. Tous ces phénomènes, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, marcher, se pencher, bouger, penser, faire des projets, ressentir de la chaleur, de la douleur, des tensions, des engourdissements, des chatouillements, se sentir heureux, triste, etc., tout cela, ce sont des objets de méditation. Un yogi qui est capable de noter tous ces objets dispose de la garde de l'attention. Plus l'attention se développe, plus le samadhi, la concentration, va s'approfondir. Lorsque l'attention et la concentration seront devenues puissantes, la sagesse va pouvoir se développer. Le yogi pourra constater les progrès par lui-même. Et finalement, plus rien n'échappera à sa vigilance. Mais même si le yogi dispose de la garde de l'attention, il devra faire face aux empêchements au cours de sa méditation. Surtout au début, lorsque l'attention et la concentration sont encore faibles. À ce stade, l'esprit est difficile à contrôler et a tendance à aller vers les différents objets. Dans le Aryabhasa Sutta, les 5 empêchements sont énumérés de la façon suivante. Kamachanda, le désir sensuel. Vyapada, la colère ou aversion. Tinamida, la somnolence et la torpeur. Udacha Kukucha, l'agitation et le remords. Visikicha, le doute sceptique. Je vais expliquer ces 5 empêchements l'un après l'autre. Voyons tout d'abord Kamachanda Nivarana, l'empêchement du désir. Vous vous complaisez et vous avez du désir à la fois pour les êtres vivants et pour les choses matérielles. Les objets de votre désir, ce sont des choses que vous avez aimées, comme des personnes, des animaux, des endroits. Et tout cela va vous apparaître dans l'esprit au cours de votre méditation. alors que vous êtes occupé à essayer de vous concentrer. Ceci est dû au fait que ces choses ont laissé une forte empreinte sur votre esprit. Elles vont donc réapparaître de façon répétée, et surtout au début, lorsque l'attention et la concentration sont encore faibles. On peut comparer ce désir à un emprunt qu'on n'a pas encore remboursé. C'est comme une charge qui pèse sur vos épaules et à laquelle vous pensez et repensez tout le temps. Si vous ne remboursez pas votre dette dans les délais, la personne qui vous a prêté l'argent pourrait se fâcher et même éventuellement entreprendre une action en justice. Mais par contre, si vous remboursez votre dette dans les délais, vous ne vous inquiéterez pas, votre esprit sera libre et paisible. De la même façon, tout comme cet emprunt que vous n'avez pas encore remboursé, Kamachanda, le désir sensuel, va se remanifester en vous et va déranger votre méditation. C'est pourquoi il faut essayer d'abandonner ce désir sensuel. Pour l'abandonner, vous devez noter désir, désir, vouloir, vouloir, jusqu'à ce que ce désir disparaisse. Et si vous pensez à quelqu'un que vous rencontrez en imagination, une personne que vous avez aimée, vous devez là aussi noter rencontrer, rencontrer ou voir, voir jusqu'à ce que cela disparaisse. Si vous ne notez pas ces choses avec attention, elles vont se remanifester en vous à maintes reprises et ce processus de pensée ne va jamais s'arrêter. Tout comme l'emprunt que vous n'avez pas réussi à rembourser, la dette va augmenter de plus en plus jusqu'à ce que vous ayez à déclarer faillite. Il y a une maxime de Mahasi Sayadaw à ce sujet. Le désir est comme une dette. Essayez de vous en débarrasser au plus vite. Le deuxième empêchement, c'est la colère. La colère ici veut dire le ressentiment, l'aversion, la haine, également la peur, l'anxiété, la tension et la frustration. Au cours de votre méditation, la colère et le ressentiment vont souvent se manifester en vous lorsque vous serez en contact avec quelque chose de désagréable. Vous pouvez être fâché sur vous-même, mais vous pouvez aussi être fâché parce que quelqu'un fait du bruit. Quand vous devenez agité, fâché, vous ne pouvez plus vous concentrer. Il est possible que vous vous mettiez à penser à quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé ou quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, lorsque toutes ces émotions se manifestent en vous, vous devez prendre conscience que la colère est en vous et vous notez colère, colère, malveillance, malveillance, peur, peur, etc. Si vous êtes attentif et que vous faites preuve de diligence dans votre méditation, le désir avide et l'aversion par rapport à des objets agréables ou désagréables ne pourront pas se manifester en vous. La colère, la malveillance est comparée à une maladie. Le vénérable Mahasi Sayadaw a composé une autre maxime à son sujet. La colère et le mécontentement, véritable maladie, vous devez vous en débarrasser au plus vite. L'empêchement suivant, c'est la somnolence et la torpeur, c'est-à-dire la paresse et la somnolence. Nous avons tous expérimenté cette paresse et cette torpeur au cours de nos méditations. Elle apparaît lorsque l'esprit perd de sa vivacité et que l'attention faiblit. L'esprit devient alors engourdi, il est peu malléable, paresseux. Il n'arrive pas à se maintenir sur l'objet. Lorsque vous vous sentez somnolent, vous devez fournir plus d'efforts pour raffermir votre esprit, le rendre plus alerte et plus ouvert. Essayez de vous focaliser de façon plus précise sur l'objet de méditation, qui est, en ce moment, la somnolence, et vous notez « somnolent, somnolent ». Si vous vous montrez vigilant et attentif, votre esprit va redevenir alerte, il va s'ouvrir et vous aurez ainsi pu éliminer la somnolence et la torpeur. La somnolence et la torpeur sont comparées à une prison. Le vénérable Mahasi Sayadaw a composé un vers à ce sujet. Somnolence et torpeur, vous voilà en prison. Soyez attentif, notez-la et détruisez-la rapidement. L'empêchement suivant, c'est l'agitation et le remords. Agitation veut dire incapacité de l'esprit à se maintenir sur un objet. Le mot pali pour agitation est udacha. L'esprit n'arrive pas à se maintenir sur l'objet, il flotte à la surface de l'objet. Il devient agité et troublé. Remords veut dire que vous vous sentez coupable pour le mal ou les choses négatives que vous avez fait dans le passé et pour les choses positives, le bien que vous n'avez pas fait. Donc lorsque vous expérimentez l'agitation et le remords, vous devez en faire des objets d'attention. Vous notez agitation, agitation, remords, remords. Si vous en prenez note de cette façon, ils vont disparaître à cause de l'attention. Votre esprit va devenir tranquille et vous expérimenterez un confort physique. L'esprit tranquillisé est satisfait avec l'objet qu'il observe et ne devient pas agité. La maxime de Mahasi Sayadaw à ce sujet est la suivante. L'agitation et le remords, c'est un esclavage, abandonnez-le rapidement. Le dernier empêchement, c'est le doute sceptique ou la confusion, l'incertitude. Cet empêchement peut déranger le progrès sur le chemin spirituel. On l'appelle visikicca. Visikicca veut dire doute sceptique. Le doute peut se manifester à propos du Dhamma que nous sommes occupés à pratiquer. Est-ce vraiment la bonne méthode? Le professeur est-il réellement compétent? De tels doutes peuvent pénétrer dans votre esprit lorsque vous ne progressez pas beaucoup. Une personne qui est prise par les doutes est comme quelqu'un qui serait arrivé à un croisement. Quel chemin choisir? Le vénérable Mahasi Sayadaw a composé une maxime. Le doute, deux esprits. Le chemin, deux possibilités. Essayez de vous en débarrasser instantanément. Comment allons-nous procéder pour surmonter ces doutes? Ce que vous faites en ce moment, ce que vous expérimentez, c'est cela qui va faire disparaître les doutes. Imaginons que vous soyez occupé à méditer. Vous notez tous les mouvements physiques comme soulèvement, abaissement, assis, toucher lorsque vous êtes en posture assise. Pendant la marche, vous notez lever, avancer, placer la jambe. Vous expérimentez le toucher de votre jambe avec le sol, etc. Tout ceci va avoir pour résultat que votre sati, votre attention, va se renforcer. Et si vous notez sans interruption, de façon continue, tout ce qui se manifeste à chaque instant, votre esprit va devenir de plus en plus focalisé, votre concentration, votre samadhi, va ainsi se renforcer. Votre observation devient de plus en plus claire et distincte. vous allez réussir à voir, de façon séparée, l'objet et la conscience de cet objet. Vous verrez que ces deux choses sont séparées, sont distinctes l'une de l'autre. Lorsque vous observez attentivement le processus d'élévation, vous voyez que le mouvement physique est quelque chose de différent de la conscience de ce mouvement physique. Ce niveau de réalisation est appelé Namarupa Paricheda Jnana. À ce niveau de réalisation, vous découvrirez qu'il n'y a aucun ego, aucun je. Vous aurez ainsi surmonté Attaditi, la croyance en l'ego. Au stade suivant, imaginons que vous soyez occupé à pratiquer la marche attentive. Il y aura tout d'abord l'intention de lever le pied, l'intention de l'avancer et l'intention de l'abaisser. Ces intentions sont suivies immédiatement par le mouvement d'élévation, le mouvement d'avancement et le mouvement d'abaissement du pied. Vous prenez alors conscience que ce mouvement d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied sont dus à l'intention qui les a précédés. L'intention de lever le pied est la cause pour le mouvement d'élévation. L'intention est la cause, le mouvement est l'effet. Le mouvement va alors devenir la cause pour la prise de conscience, l'observation, qui est l'effet. Et de la même façon, cette même compréhension va se manifester à propos de tous les autres mouvements que vous effectuez. On appelle ce stade Pekeya Parigaha Jnana. Cette découverte va se répéter. Vous allez ainsi expérimenter de plus en plus les causes et les effets. Cela va devenir très clair. Vous allez continuer à observer de façon continue et vous pourrez expérimenter les causes et les effets dans tous les objets que vous observez, physiques et mentaux. Cette compréhension va vous amener à voir qu'il n'y a personne derrière ces phénomènes. Les phénomènes se manifestent et disparaissent selon la loi de cause et d'effet. Ce que nous avons l'habitude de voir n'est qu'une illusion. Vous allez poursuivre votre méditation de façon continue. Votre esprit va devenir très calme et vous serez alors en mesure de voir que ces phénomènes apparaissent et disparaissent. Vous expérimenterez alors l'impermanence de toute chose, anicca. Lorsque vous voyez anicca et que cette vision de anicca se répète encore et encore, vous comprendrez le caractère insatisfaisant de tous ces phénomènes, dukkha. Vous comprendrez que personne ne dirige ces processus. Ces processus physiques et mentaux se produisent sans arrêt. C'est anatta. Ce stade de compréhension ou jnana est appelé samasana jnana. C'est le stade où vous comprenez que le dhamma est vraiment vrai. Vous faites ainsi disparaître les doutes. Lorsqu'il y a pureté de l'esprit, la satisfaction, pamoja, va se manifester. Lorsqu'il y a satisfaction, piti, la joie, apparaît. Lorsque la joie est apparue, pasadikaya, la tranquillité du corps, se produit. Lorsqu'il y a calme, tranquillité, sérénité physique, sukha, le bonheur, apparaît. Lorsqu'il y a bonheur, la concentration, samadhi, ne peut que se développer. Et lorsque la concentration est présente, la sagesse, la vision pénétrante, se manifeste. À commencer par la différenciation entre l'esprit et la matière, ensuite la compréhension des causes et des effets, et ensuite la